Et la spiritualité n'est pas d'autre chose que notre capacité humaine de dépasser le ici-bas pour avoir une relation intime avec le transcendant. Mon exemple préféré, c'est Radio-Canada et CBC. Si vous êtes une fanatique de la radio publique comme moi, vous vous souvenez qu'en Radio-Canada 1, c'était à 690 AM et Radio-Canada 2 est où il est aujourd'hui, à 101,7. Mais à un moment donné, avec toutes les gratte-ciels en centre-ville de Montréal, avec l'acier, surtout sur Saint-Antoine, René-Lévesque, Sainte-Catherine, Deux-Maisonneuve, President Kennedy, Sherbrooke, on était incapable d'écouter Radio-Canada 1 sur le AM. Et c'était la même chose avec CBC 1. Donc, le groupe des amis du CBC et du Radio-Canada, comme moi, on a écrit les lettres au CRTC pour changer les deux 1 au FM. Donc maintenant, Radio-Canada 1 et 2 et CBC 1 et 2 se trouvent tous sur le FM. Pour que les signaux soient captés, il fallait changer des ondes. Et dans la spiritualité, des fois, on est poigné avec le ici-bas. Téléphone, courriel, Internet, télé, la presse, le devoir, Journal de Montréal, des amis, le courriel, d'autres amis, plus de courriel, Internet. On est poigné avec le ici-bas. Et on oublie qu'il y a un élément transcendant. Un élément dans le au-delà de ce ici-bas, email. Et il faut nous dépasser. Et la spiritualité, c'est cette capacité de connecter, pour ainsi dire, changer des ondes. Changer comment nous allons recevoir le message. Donc, les pratiques spirituelles, comme quatre d'entre vous avez mentionné, la méditation est une façon de nous dépasser pour que nous puissions bien capter les ondes de Dieu et vivre en lui. Donc, la formation spirituelle, c'est l'ensemble de ces pratiques pour que je puisse recevoir le message de Dieu, la bonne nouvelle. Maintenant, dans n'importe quelle pratique, il n'y a pas de grand honneur spirituel. Si je lis la Bible une fois par jour, si je médite une fois par jour, ça ne fait pas de moi un meilleur chrétien. Il n'y a pas de mérite dans les pratiques. Comme vous savez, moi j'aime faire du jogging. J'aimais faire du jogging avant d'avoir plaquer mon épaule. Mais je vais le reprendre. Mais, écoute, de faire du jogging, franchement, mes amis, c'est fatigant et épuisant. Des fois, quand je termine une longue randonnée, je me dis, qui m'a dit qu'il y a du bien en m'épuisant comme ça? Il n'y a pas de mérite dans cela. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ces pratiques? Pourquoi est-ce que je fais mon jogging? Pour que je puisse recevoir la grâce transformatrice de Dieu tous les jours. J'ai été sauvé par la grâce comme vous. Cette grâce m'a transformé. Mais afin de continuer d'être transformé, je fais ces pratiques afin de recevoir la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui me transforme. Le mérite n'est pas dans la pratique. L'honneur n'est pas dans le pratique. Le mérite est en Dieu qui utilise, qui travaille avec nous afin de nous transformer tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons examiner un texte sur David, où on voit David travailler avec Dieu pour son propre développement, ou si vous voulez, sa propre transformation, dans une situation horrible. Et en l'examinant, j'aimerais vous donner peut-être deux choses que David a fait, deux pratiques qui a facilité la réception de cette grâce transformatrice. 1 Samuel 30. Quelqu'un avec une voix forte. Franck, peux-tu le lire pour nous? 1 Samuel 30, les versets 1 à 6. Lorsque David arriva le troisième jour, il blague avec les gens. Les Amalécites avaient fait une invasion dans les musiques de la Syrie. Ils avaient détruit et brûlé après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, et ils avaient tout emmené, c'était ruiné. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés quatre. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jézreël et Abigaël et Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et David reprit courage, et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. OK, c'est bien, Franck. Jusqu'à 6? Oui, merci. Mettons une lentille à grand angle sur nos appareils photographiques pour 2 secondes. Et regardons le grand contexte de ce passage. Comme vous vous souvenez, David a dû fuir Saül. À au moins 3 reprises, lorsqu'il interprétait la musique sur sa harpe, Saül a décidé de le clouer au mur. Et ça n'a pas marché. En chapitre 18, 2 fois, et en chapitre 19, 1 fois, Saül a lancé. Ce n'était pas simplement une flèche, hein? C'était une harpe. Oui, il a lancé. Il voulait le clouer. Pouvez-vous imaginer? Vous jouez de la harpe, et tout d'un coup, une grenade vous arrive. Et finalement, David, en concertation avec Jonathan, a dû fuir. Mais Saül l'a poursuivi. Et à 2 reprises, David avait Saül et son armée dans son cible. Le premier, très drôle, David et sa gang se trouvait dans une caverne. Il se cachait. Et le texte nous dit, en 1 Samuel 24 et le verset 4, que Saül est arrivé pour prendre soin de ses besoins personnels. OK? Il est allé là pour uriner. Et la gang de David a dit, « We've got him! » Mais David a dit, « Non, je ne peux jamais toucher celui que Dieu a choisi. » J'imagine que la gang de David a dit, « Hey, notre maître, il est complètement malade. Celui-là, il veut nous tuer. On l'a, mais il ne veut pas qu'on le touche. » Et en chapitre 26, la même chose arrive. Ils sont, l'armée de Saül est encampée. Ils sont là, ils sont en poursuite de David. Et la nuit, David descend avec sa gang et encore, ils disent, « Il est là. On peut le clouer à terre. » Et David a dit, « Nous n'avons pas le droit de toucher celui que Dieu a oint. Mais à un moment donné, rendu au chapitre 27, David est désespéré. Il pense à 27 ans, 28 ans, que sa vie est finie. Donc, il fait un coup de force et il décide de créer une alliance avec les Philistins. Et en chapitre 28, 27, 28 et 29, nous avons des exemples où David a fait les razazias avec l'armée des Philistins contre Israël. Mais il n'a jamais touché Saül. Et maintenant, on arrive au texte que Franck nous a lu. Ça, c'est le grand. Donc, maintenant, on peut changer de la lentille sur notre appareil photographique. Et regardons le texte. Le texte nous dit que David avait choisi une nouvelle ville. Évidemment, il n'était plus un invité à Jérusalem. Bethléem n'était pas un lieu sûr ou sécuritaire pour lui. Donc, il a choisi la ville de Tiklag qui est dans le nord d'Israël. Et malgré le fait qu'il voulait faire une alliance avec les ennemis d'Israël, David n'a jamais touché les Israélites. Mais il habitait cette ville. Il revient, le texte dit, de une de ses razazias. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une autre ennemie avait rasé la ville. L'ennemi a enlevé toutes les femmes et tous les enfants, garçons et filles. Mais le texte nous donne l'idée que personne est mort. Mais le texte nous raconte la réaction. Le texte nous dit au verset 4 que la gang de David a été tellement interpellée qu'ils ont pleuré jusqu'ils n'avaient plus de force. Avez-vous jamais tant pleuré? Vous avez versé tellement de larmes que vous étiez dans une condition d'être déshydraté, d'attrait. C'est ça ce qui est symbolique dans le texte. Qu'ils avaient tellement pleuré, ils étaient assoiffés. David, nous savons dans les psaumes, on l'a vu dans sa relation avec Jonathan, David était un homme qui était capable de pleurer, capable de verser des larmes, d'exprimer ses émotions envers Dieu. Et dans le texte ici, le texte dit que tous les hommes étaient au bout de force. Je crée un petit parenthèse ici pour deux secondes. Dans notre cheminement, dans notre vie spirituelle de tous les jours, il arrive qu'on est vraiment au bout de nos forces. Et ça ne veut pas dire que nous avons péché. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel. Mais il faut que nous soyons capables de discerner, lire, si vous voulez, nos âmes, pour que nous puissions discerner lorsque le réservoir est vide. Des fois, le réservoir se vide pour des raisons comme David vit ici, à cause d'une attaque de l'extérieur. Moi, je peux identifier 3-4 fois dans ma vie lorsque je visais des attaques de l'extérieur et c'est que comme quelqu'un a pété ma ballonne, foum! Je n'avais rien. D'autres fois, c'était comme une crevaison dans un des pneus de la voiture et on perd l'air tranquillement. Et indépendamment de ce qu'on essaie de faire en allant à la station de l'essence tous les 4 jours pour le mettre à 30, il faut à un moment donné boucher le trou. Mais Avez-vous développé cette capacité de lire votre âme, votre vie intérieure, pour que vous soyez capable de dire, « Oh boy, je vis, je roule sur vie, sur vide. » Et les exercices spirituels, les pratiques spirituelles nous aident de lire notre âme. Retournons au texte. Ils étaient au bout de leur force. Ils pleuraient. Mais regardez maintenant le verset 6 et surtout la première partie. Parce que regardez la réaction. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et ses filles. Et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Maintenant, il y avait une division dans le groupe. Ils ont tous pleuré. Ils étaient tous épuisés. Mais maintenant, il fallait trouver le coupable. Et voici ce qui arrive lorsqu'on est à bout de nos forces. Plutôt de regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'on dit? Qui est le coupable? Plutôt de nous responsabiliser nous-mêmes, on dit... Ah, c'est sa faute. Et dans le contexte, David était maintenant pas dans le cible de Saül, pas dans le cible des Philistins, même pas dans le cible de ceux qui avaient rasé la ville et enlevé les femmes et les enfants. Il était dans le cible de ses grands amis. Dans le cible à un tel point où il voulait le lapider. Et le temps des verbes dans la première partie du verset 6 nous donne l'impression que le pile de roche était prêt. C'est une question pas de jour, c'est une question de seconde. Et encore, je crée une petite parenthèse. Lorsqu'on arrive dans nos conditions d'épuisement, de découragement, lorsqu'on se trouve au bout de nos forces, la chose la plus facile, c'est de viser l'autre. Et je sais que dans mon propre cheminement, quand je commence de parler dans le passif, ou quand je commence de viser l'autre, je reconnais que je n'assume pas mes propres responsabilités. Par le passif, je veux dire, « Oh, ces horribles choses qui m'arrivent. » Ou je dis, « Ah, c'est la faute de l'autre. » Et lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on vit un épuisement professionnel ou spirituel, même lorsqu'on est dans une dépression, et surtout dans une dépression, il est tellement difficile de s'auto-responsabiliser. Mais lorsque j'arrive dans une condition comme ça, il faut que je prenne le pouls de mon cœur, de mon esprit, de mon âme. Donc, ça, c'est le contexte. Maintenant, regardez ce que David a fait. La deuxième partie du verset 6. Mais, David puisait de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Lisez-le encore. Mais, la conjonction est importante, mais en contradistinction de ce pile de pierre dans lequel il va être le récipient. malgré le fait qu'il était épuisé émotionnellement. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Le verbe ici dans ce texte est fascinant. Puiser de nouvelles forces. En hébreu, c'est un mot. Et en hébreu, dépendant des préfixes ou des suffixes, donc des choses que vous ajoutez au début ou à la fin de la racine, change la traduction. Donc, le mot en soi peut dire d'être fort dans le combat. Ça peut dire de retenir. Mais le verbe ici est réflexif. C'est comme le texte dit, « Mais David se puisa de nouvelles forces. » Donc, pour cette raison, dans certaines traductions en français, « David se fortifia. » « David reprit courage. » reflète l'idée. Pour ainsi dire, au milieu de cette crise, au milieu de cette situation lamentable, David était capable de prendre une petite pause. Et c'était dans cette pause qu'il a décidé d'aller plus profondément en lui-même. Je me souviens quand nos trois filles étaient jeunes. Et lorsqu'on est arrivé aux multiples crises familiales, je sais que ça n'est jamais arrivé chez vous, mais chez nous, ça s'est arrivé souvent. Et les filles étaient au bout de leur nerf. On pouvait ressentir la tension. Et Sandy était assez sage pour lire le contexte, pour prendre le pouls, et elle disait régulièrement, time out. Jenna, va dans le salon. Julia, dans la chaise. Krista, en bas. Tout le monde va penser pendant 5 minutes. Et c'était fascinant comment la température a baissé. Il n'y a rien comme un time out. Mais on le voit dans l'hockey. Un coach, il voit que son équipe perd l'élan. Qu'est-ce que le coach fait? Time out. Temps de relâche. Pas simplement pour donner du repos à son équipe, mais pour enlever l'élan de l'autre équipe. Et le « mais » dans le texte, c'est David est en train de dire, « Hey, les boys, time out. » Et pendant son temps de relâche, David, il s'est fortifié. Et le texte est fascinant. Ça donne l'idée que David a décidé d'aller plus profondément en lui-même. Mais le texte est fascinant. Parce que le texte continue. En se confiant dans l'Éternel, son Dieu, dans Yahweh, le Dieu de l'Alliance, son Dieu créateur. Et il a pris les deux noms fondamentaux de Dieu dans l'Ancien Testament, de Genèse 1 et 2. Et il s'est confié en lui. Et nous avons un contraste ici dans le texte. David travaille, Dieu travaille. Le texte ne dit pas, mais David a trouvé courage en Dieu. Il y a d'autres versets qui expliquent cela. Il n'y a rien du mal, mais ce n'est pas ça que ce texte dit. Ce texte dit ici, au milieu de cette horrible situation, David a travaillé avec Dieu. David a agi. Et Dieu agit. Donc, dans mes notes cette semaine, comment approprier ce texte? Et Moi, j'aimerais vous donner trois pistes de réflexion ici. Une piste vient dans un autre passage que j'aimerais regarder. Mais la première piste est ceci. Pensez à ce noyau d'action que David a entreprise. Il a fait face à ses difficultés. Il n'y a absolument aucun indice dans le texte qu'il voulait fuir. Le texte ne dit pas que David, une fois qu'il a vu le pile de pierre, qu'il a sauté sur son cheval et il a couru. Non, il ne voulait pas fuir. Il est allé plus profondément. Il a travaillé avec Dieu. Et il a laissé Dieu travailler en lui-même. Et de approprier ce texte, la première piste englobe toutes les actions de David. Lorsqu'on trouve dans les situations difficiles, il faut faire face aux difficultés. De temps en temps, depuis le 29 décembre, je vous ai parlé de mon épaule. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'ai rebobiné la cassette. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de patiner cette journée-là? Pourquoi est-ce que j'ai laissé mon frère décider d'aller patiner au lac des Castors plutôt qu'au vieux port où moi je voulais patiner? Même, c'était prévu cette semaine-là que Sandy et moi allons aller à Urbana, la grande conférence missionnaire des GBU. Mais aux dernières minutes, j'étais responsable, j'allais enseigner, mais j'ai dit non, je vais rester en ville. Et j'ai dit, zut, pourquoi est-ce que je ne suis pas allé à Urbana? Si j'aurais été là, je n'aurais pas allé patiner. Vous voyez, on essaie de refaire l'histoire. Le problème, c'est que le 29 décembre, à 15h de l'après-midi, je patinais au lac des Castors, j'ai tombé, j'ai disloqué mon épaule, je l'ai fracturé. Glenn fait face à la musique. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit, tu as tombé. Et maintenant, Glenn travaille avec Dieu. Parce que dans ma physiothérapie et dans la réformation, il y a des choses qu'il faut que je fasse que je ne faisais pas auparavant. De faire mes exercices tous les jours, franchement, c'est fatigant, c'est répétitif. Je grimpe le mur 10 fois par jour avec mes doigts. Je fais mes exercices avec le pôle. Je commençais de faire les exercices maintenant avec les poids. Ce n'est pas aussi intéressant de courir et de faire mon jogging. Glenn fait face à la musique. Et mes amis, lorsqu'on se trouve dans des difficultés, soyons comme David. Faisons face à nos difficultés. Et travaillons avec Dieu. Donc ça c'est la première piste de réflexion ce matin. Le deuxième vient du psaume premier. Tournez avec moi au psaume premier pour un instant. À mon grand étonnement, il n'y a pas un psaume qui raconte 1 Samuel 30. Comme vous savez, il y a des multiples psaumes qui sont des psaumes narratifs. Où, après l'événement, David écrit un chant. Et, à ma connaissance, il n'a jamais mis les événements de 1 Samuel 30 dans un chant. Mais il y a quelque chose dans psaume 1 qui me fait croire que David avait tellement intériorisé le psaume 1 que ça l'a aidé dans 1 Samuel 30. Vous connaissez le psaume 1. Heureux l'être humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il le met dans la loi de l'Éternel, et il médite jour et nuit. Première métaphore. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'il en revient la saison. Dans le psaume premier, David parle de, si vous voulez, trois étapes d'apostasie, de péché. Il y a le premier. Heureux l'être humain qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc voici la bonne personne qui, dans le train-train de la vie, reçoit du conseil et ça ne vient pas des bonnes sources. Heureux la personne qui n'accepte pas ce conseil. Ou deuxièmement, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. La personne qui prend une déviation dans la vie pour consulter. Ou troisième, ou qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez la progression? Marcher, se dévier, s'asseoir. Trois étapes. Maintenant, quel est le remède? Malgré les trois étapes, il y a juste un remède. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel et il médite jour et nuit. La seule façon de faire face à nos difficultés, à notre épuisement, c'est de trouver notre plaisir dans la révélation de Dieu. Et c'est ça que David a fait dans 1 Samuel 30 et le verset 6. Jacques nous a parlé de la méditation. Moi j'aimerais continuer avec deux autres exercices qui m'aident énormément. Et quand je me trouve dans les situations difficiles, je pense au psaume premier et j'essaie de les pratiquer. Depuis des années, je ne sais pas pourquoi, non, je sais la raison, mais le pourquoi, j'ignore. Mais moi, j'essaie de mémoriser les versets de la Bible. Maintenant, je sais que quand moi j'étais jeune, il n'y avait qu'une édition de la Bible. Moi, j'ai grandi dans les écoles du dimanche et l'édition de la Bible qu'on avait, c'était de King James Version. OK? Complètement incompréhensible pour les enfants de mon âge. Un vieux anglais, plus vieux que ça et tu meurs. Oui, oui. Thou, thee. Me souviens, dans le King James Version, le Saint-Esprit, tu sais comment, vous savez comment ils l'ont traduit? The Holy Ghost, OK? Le fantôme saint. Il est peu surprenant que personne ne voulait en parler. Okay? Qui veut parler d'une fantôme? Mais maintenant, avec nos multiples traductions et éditions de la Bible, il y a une pratique qui est perdue. La pratique de mémoriser les versets. Donc, depuis des années, j'essaie de mémoriser deux versets de la Bible par semaine. La confession, elle est bonne pour l'âme, mais très mauvaise pour la réputation. Mais je fais une confession. Il est beaucoup plus difficile de mémoriser à 56 ans qu'à 30 ans. Catherine sourit, elle est d'accord. Ça ne rentre pas aussi facilement maintenant. La matière grise est un peu rouillée. Mais je suis content que je fais cet exercice. Ça fait une continuation de la méditation. Je médite une verset, donc je le mémorise. Et quand je me trouve dans une situation difficile, je reprends ces versets et je prends la mémorisation. Et ça m'aide de méditer et faire face à la musique. Maintenant, peut-être pour quelques-uns parmi vous, ça serait juste, OK, je vais mémoriser un verset par mois. D'autres vont dire, hey, l'idée de Glenn n'est pas mauvaise. Je vais essayer de faire deux cette semaine. N'oubliez pas où j'ai commencé ce matin. Il n'y a aucun mérite dans la pratique. Le fait que je mémorise des versets par semaine ne fait pas de moi un bon chrétien. J'espère que je suis un bon chrétien par la grâce de Dieu. Point final. Mais de mémoriser cette pratique m'aide de renouveler. Et j'aime tellement l'image en psaume premier. La personne qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Si vous avez le temps cette semaine, va descendre au fleuve Saint-Laurent. Même, va aux îles. Et va au bord de l'eau et regardez les arbres qui se trouvent au milieu des grosses pierres sur lesquelles l'île Sainte-Hélène a été construite. Vous regardez ce tas de pierres et vous dites, c'est impossible qu'un arbre puisse prendre racine. Mais il y a un courant d'eau. Et l'arbre était capable de percer les racines pour trouver solide. Et lorsque nous prenons le temps de méditer et de mémoriser, de contempler, de intérioriser la loi de l'Éternel, on change les ondes. Plutôt d'être pris sur les ondes de mes problèmes, mon épuisement, mes difficultés, ce gang de méchants qui m'entoure. Je suis maintenant sur Radio-Canada 2 et je suis capable de transcender mon expérience pour être branché sur Dieu. Je pense qu'il y a une autre chose qui va ici dans ce texte. Dans notre spiritualité, cette spiritualité n'est pas simplement vécue ici. Ça, c'est un grand problème que nous avons en tant que chrétiens. Nous pensons que si je remplis le coco assez bien, je vais être un bon chrétien. On vit une foi pas incarnée, mais excarnée. Pas dans le corps, mais juste dans la tête. Et David, malgré son épuisement, il était assez à l'aise dans son corps de faire face à son épuisement. Et des fois, dans notre vie spirituelle, lorsqu'on est épuisé, lorsque le ballon est pété, lorsque nous nous trouvons avec des amis qui veulent nous lapider, nous n'avons pas de force dans notre corps. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de spiritualité chrétienne hors de ce corps. Nous ne sommes pas bouddhistes, on n'est pas panthéistes, on n'est pas le salon de l'ésotérisme, on n'est pas hindous. Notre spiritualité est vécue dans le corps. Le corps, chrétiennement parlant, est bon et bien. Et la raison pour laquelle je prends soin de mon corps, par ce que je mange, par ce que je bois, par mon entraînement physique, en faisant des promenades, c'est pour souligner que le corps est important. Ce corps est désiré par Dieu d'être maintenu en forme. Et quand je prends soin de mon corps, je suis par la suite en train de dire, je peux recevoir la grâce de Dieu dans mon corps et vivre pour lui. Et David, en méditant jour et nuit, était capable dans son corps. Donc, deux pratiques à réfléchir ce matin. De prendre la méditation et de considérer, de mémoriser. De prendre le temps, de prendre des versets et de les mettre à cœur. Afin de rappeler de ces vérités lorsqu'on se trouve dans le train-train de tous les jours. Mais aussi, de considérer l'importance de prendre soin de nos corps pour que la spiritualité soit vécue dans cette vase d'argile, comme Paul a dit en 2 Corinthiens 4. J'ai une amie. Elle est un comptable agréé. Et Marjorie et moi, Sandy Marjorie et moi, nous sommes des amis de longue date. Quand Marjorie, parce qu'elle est comptable et elle a fait toutes ses études, ben même Lynn le connaît. Marjorie, elle habite deux montagnes. Donc, elle prend le train tous les jours. Et un jour, elle était chez nous et une de mes filles a dit, Marjorie, qu'est-ce que tu fais dans le train? Parce que c'est loin. Et elle a dit, pour m'aider dans mon métier comme comptable, je fais des exercices mathématiques dans ma tête. J'ai dit, ben voyons donc. Moi, j'ai à peine réussi les maths 436. Et Marjorie est capable de faire des calculs mathématiques dans sa tête. Mais j'ai dit, non, non. Ça, c'est un exemple des exercices, des pratiques, des disciplines spirituelles. Les personnes avec une formation, ils continuent de travailler leur formation. Ils ne se laissent pas aller, ils ne disent pas, « Oh, j'ai mon diplôme, fini. » Non, ils continuent de se perfectionner. Et les pratiques spirituelles, c'est notre façon de recevoir la grâce et de vivre. Une dernière pensée. Dans ma Bible, je garde une petite citation. Et en me préparant cette semaine, je l'ai sortie. C'est une citation d'un père de l'Église du 11e siècle. Peut-être vous le connaissez, ou au moins son nom. C'est Bernard de Clairvaux. Il a écrit beaucoup de chants, beaucoup de cantiques. Il a dit ceci. J'aime le lire. Si vous êtes sage, si vous vous montrez comme des réservoirs, si vous êtes sage, vous vous montrerez comme des réservoirs au lieu des canons. Un canal permet la circulation de l'eau à mesure qu'il la reçoit, mais un réservoir attend d'être rempli avant de se déverser. Pour ainsi ne jamais être en perte de contenu, il ne donne qu'à partir de sa surabondance. Dans l'Église à l'heure actuelle, et n'oublie pas, il écrit dans le 11e siècle, nous avons beaucoup de canaux, très peu de réservoirs. Pensez à la différence entre le canal Lachine et une de nos barrages à la baie Saint-James. Le canal Lachine, c'est beau. J'aime y aller une fois par année, de balader à côté du canal. C'est beau. C'est un lieu historique. Complètement inutile aujourd'hui. Mais une belle tradition canadienne et québécoise. Mais nos réservoirs à la baie Saint-James, quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il y a assez d'eau dans les barrages à la baie Saint-James. Juste la baie, pas Churchill Falls, juste la baie Saint-James. Pour illuminer le Québec pendant 5 ans. Aujourd'hui, s'il pleut, ça va grandir. Dans la vie spirituelle, on a le choix. Est-ce qu'on veut être la canal Lachine ou un réservoir de la baie Saint-James? La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se remplir avant de se déverser. Et les pratiques comme la méditation, l'étude, la communion fraternelle, dont on a déjà entendu les messages. Maintenant, la mémorisation, le maintien de notre corps est une façon d'être capable, comme David, de se puiser de nouvelles forces en nous confiant dans l'Éternel, notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur, j'aimerais te remercier pour la façon que tu m'as parlé cette semaine de ce texte. Et Seigneur, je te demande par la puissance de l'Esprit de m'aider, de transcender mes circonstances et de trouver de nouvelles forces en toi. Merci que tu travailles avec moi. Et merci que tu travailles avec mes amis. Et cette semaine, Seigneur, par la puissance de l'Esprit, Aide-nous d'être comme ces réservoirs qui ont une profondeur. Et en acceptant cette grâce, transforme-nous pour que nous puissions être les individus et surtout la communauté que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen.